se maquiller. Je te ferai safari, loin de l'ouest de Paris. T'es plus ultra parisien que ton quartier coup de poing. Je te ferai safari,